Chapitre 17e. Comme elle attendait sur le seuil de la petite église l'oncle Alexis qui descendait de voiture, Bijou se retourna et, repoussant d'un coup de talon sa traîne de satin blanc, ramenant devant son visage les plis de son voile, elle coula sur la foule bariolée qui se pressait devant le portail, ce regard luisant qui savait si bien boire. Elle aperçut tout d'abord la haute silhouette de Jean de Blaye qui s'avançait, indifférent et las, causant avec M. de Rueil un peu nerveux. Henri de Bracieux, l'air agacé, écoutait distraintement la marquise qui donnait des ordres au cocher. Pierrot avait pincé dans une portière un des pans de son habit trop court, et on voyait ses grandes mains gantées de blanc manœuvrer avec maladresse sans parvenir à le dégager. L'air honteux et pressé, un énorme rouleau de musique à la main, M. Sylvestre s'engouffrait tête baissée dans l'escalier de la tribune, et l'abbé Courteil, flanqué de ses deux élèves, passait affairé en évitant de regarder dans la direction de Bijou. Jeanne Dubuisson, un peu maigrie, attendait à côté de son père que la foule lui permît d'entrer. Derrière les belles dames et les beaux messieurs venus de Pont-sur-Loire et des châteaux voisins, au milieu des paysans de Bracieux, ses larges épaules carrées et son teint rouge se détachant sur le fond bleu du ciel, Charlemagne l'avenue arrivait à longues enjambées dans ses habits des grands jours, et tandis que les yeux baissés, elle semblait ne rien voir, sous le soleil éclatant qui illuminait le pays pour son mariage, Bijou goûtait pleinement la joie de vivre, d'être jolie et d'être aimée. L'oncle Alexis, qui arrondissait son bras en disant « Quand tu voudras », l'attira de son extase. Gracieuse et souple, elle se mit en marche au son de l'orgue qui ronflait. Un cocher de fiacre, entré dans l'église pour regarder la noce, s'écria, en voyant passer Bijou « Nom d'un chien, ce qu'elle est chouette, la mariée !» À quoi un valet de ferme, à Maître l'avenue, répondit avec conviction « Est-ce pas ?»« Eh bien, elle est encore meilleure qu'elle n'a chouette !» C'est ainsi que s'achève Bijou de Gypes.